savez que vous cachez, mentir. Moi, il n'aurait jamais ce problème. Moi, même quand il ment, c'est vrai. Maintenant, dites bonne nuit au mauvais garçon. Ouais, franchement, c'est carré, je suis ton zen-zen. Je suis le capitaine ten, je suis le numéro ten-ten. Je suis au contact, l'ami, j'écris toute la nuit. Le rap, j'ai fait l'amour, je l'ai marqué à vie. Je fais mes buts dilatés, je l'ai plus buts dilatés. Moi, si je te fais la guerre, c'est pour avoir la vie. Je reste le même ici ou à Paris, je change, j'y parais. Alors comme ça, je fais le pareil, je m'en mets dans la narine. Sans jouer avec mes couilles, je terrorise ma rage. L'argent se monte à la tête, je suis plus trop dans les parages. On sait pas trop, et puis demain, tu peux caler si vite. Y'a un bruit, j'ai chargé, je peux croiser les civils. J'ai fumé, je fais une promène d'ambiance, je me rappelle la fin. Ma fin, que je choque la phrase, moi de force, ça pas donné la force, comme Barça la phrase, et au phrasé, je vais vous écraser, ratage au phrasé, les personnes qui s'envoient dans les prisées, pas sur les réseaux, je suis avec les uns, ou raisins, on n'est pas beaucoup, 4 ou 5, en brouille, on n'est pas ça, on se coûte, qu'est pas chaud, qu'est pas ça, que tu fais le crasseux, tu défonces pas ma chambre, fais pas la bise, me parle pas de bise, on dresse pour une fois, à la base, je suis un chien de la casse, un vrai, je nique tout, cette année, je suis dans la place, c'est rappeur qui fait des sous, mais qui s'appuie jamais classe, m'en bats les couilles, je brise tout, je crois que tu le fasses, et celui qui fait le fou, on va le remettre à sa place, m'en bats les couilles, je nique tout, cette année, je suis dans la place, c'est le rappeur qui fait des sous, mais qui s'appuie jamais classe, m'en bats les couilles, je brise tout, je crois que tu le fasses, et celui qui fait le fou, on va le remettre à sa place, vraiment déçu. I'm a choking, à dire que je te fais croquer sur certains showcase. Je déballe tout, je regarde pas derrière, mes couilles et mon cas. Lâche-toi, parle-moi de tout, le bon, le mauvais temps. J'ai beau tout leur donner, ils veulent à toi, ils veulent ton fric. Les gens, ils voient plus chaud, j'ai l'impression qu'ils voient un bruit. Tu fais dans le propre, t'as le parti de convoque, je veux te voir le pop. Tu réponds, je sais pas, je me rappelle plus, t'as à l'époque, mon pote. Je suis dégain, je suis pas un voyou. Un singe, j'allais jusqu'à Pépin pour faire de la musique. Couper un veste, pas, chauffer les mains sur le pouls. Ils parlent, ils connaissent pas, sérieux, je m'amuse pas. J'ai connu pire, c'est le cœur froid comme l'Antarctique. Ça me fait rire quand on me descend dans certains arts. Rien à dire, je coupe les citrons, je pars à partir. Si tu buzz, tu feras des jaloux dans le quartier. Oh là là, c'est de la réalité, ça fait bim bim. Je te fais que crâne cram, bam bam. J'lâche tout au mic, qu'est-ce que t'entends? Ça fait toujours plaisir d'être mis dans les tendances. Qu'est-ce que t'en penses? Là le temps passe, jamais j'en pourris. Mais tout serait ailleurs, je suis retrait. M'en bats les couilles, je nique tout. Cette année, je suis dans la place. C'est le rappeur qui fait des sous, mais qui s'appuie jamais classe. M'en bats les couilles, je brise tout. Je crois qu'il double face. Et celui qui fait le fou, on va le remettre à sa place. M'en bats les couilles, je nique tout. Cette année, je suis dans la place. C'est le rappeur qui fait des sous, mais qui s'appuie jamais classe. M'en bats les couilles, je brise tout. Je crois qu'il double face. Et celui qui fait le fou, on va le remettre à sa place. M'en bats les couilles, je nique tout. Cette année, je suis dans la place. C'est le rappeur qui fait des sous, mais qui s'appuie jamais classe. M'en bats les couilles, je brise tout. Je crois qu'il double face. Et celui qui fait le fou, on va le remettre à sa place. M'en bats les couilles, je nique tout. Cette année, je suis dans la place. C'est le rappeur qui fait des sous, mais qui s'appuie jamais classe. M'en bats les couilles, je brise tout. Je crois qu'il double face. Et celui qui fait le fou, on va le remettre à sa place. Liberta, liberta pour les frérots condamnés. On est là, on va tout péter comme d'habitude. Album gratuit, volume 5. Gros big up à Mido. Et merci à la zone. Et merci à la team d'or et platine. Ouais, ouais, ouais, la team Joule. Merci à la zone de Marseille à Paris. Ouais, ouais, ouais, on est là. En passe à Paris, Lyon, Saint-Etienne, Toulouse. On présente le 13 comme d'habitude. À zone en personne. On dit merci à qui aussi. Cherche pas nos habitudes, mentalité bitume. Ouais, alors les 13 contos.